On entame la suite dès vendredi, parce que jeudi, en fait, c'est l'anniversaire du Nova et on a mis l'open screen et il y aura un petit concert gratuit d'un des membres du Nova dans le bar vers 22h30. Mais donc, on reprend véritablement la programmation vendredi avec des films, la répétition de films, dont Off Carnaval, qui est une compilation, donc ce sera la première fois qu'elle sera diffusée. Elle sera diffusée aussi le 7 février, voilà, donc qui est un peu des films là, parce qu'on a une trentaine de films en tout dans la programmation, mais dont aussi quand même pas mal de courts-métrages. Il y a 5 compilations de courts-métrages. Et donc, on les a rassemblés eux-mêmes sous des sous-thèmes par rapport au carnaval, qui est le thème global. Et voilà. Et donc, là, on aura droit à 2 compiles. Une compile, donc, off-carnaval, des films qui touchent le carnaval en reprenant quelques archétypes. Donc là, c'est vendredi. Et samedi, on aura la compile carnaval de chez nous, qui vont parler... des carnavals en Belgique, avec un invité qui est Clémence Mailleux du musée du carnaval international du carnaval et du masque de Binche. Voilà. Ben, c'est très riche. Et juste après, il y a le grand tour avec Vincent Soleil qui sera là aussi. Tout à fait. Et son réhaché. Oui, et sa fanfare. Et sa fanfare. C'est confirmé. Ok, bon, vous avez déjà dit beaucoup de choses, mais je voulais quand même vous présenter, parce que vous avez parlé. Alors, j'ai à ma droite Philippe Brancard, on peut dire voilà, mon nom, mais bon. Qui est le chef d'orchestre, en fait, de cette programmation. Oh, disons que je l'ai coordonné. Voilà. Et puis, en face de moi, il y a Julien, c'est le Dran. Et Julien fait partie de la société du carnaval sauvage, ouais, c'est ça ? Philippe aussi. Oui, ah, oui, ouais. Mais Julien, c'est disons, quelqu'un qui est... L'instigateur. Beaucoup... Oui, l'instigateur. Non, enfin, bon. Je ne laisserai pas dire ça. Non, non, il y a un collectif à la base du ouais. Carnaval sauvage. Et bah, un jour, j'ai dit à Rosalie, viens, on fait un carnaval. On a réuni un collectif, et c'est ce collectif qui a commencé à décider de ce qu'était le carnaval sauvage. Et ça a commencé en 2012. Ouais. Ouais. Ouais, donc c'était lors de... On savait que c'était la fermeture de la Compilothèque, où Julien avait notamment son atelier d'artiste. Et donc la Compilothèque, après, ils ont déménagé rue de la Seine. Et d'ailleurs, l'année prochaine, ils vont redéménager genre en avril. Mm-hmm. Et d'où on a un nouveau cycle d'une certaine manière, ouais. Puisque la 8e édition, clôturera la rue de la Seine un petit peu. Voilà. Ah, ok. Et vous avez un autre endroit où vous irez ? Alors, il y a une partie de nos activités de la rue de la Seine qui vont à la Poudrière, donc rue de la Poudrière, juste derrière, dont le carnaval, enfin l'atelier costume du carnaval sauvage, en tout cas, il ira là-bas. Et il y a beaucoup d'autres choses dont on ne sait pas où on les organisera par la suite. Okay. Par exemple, les répètes de la clique, nos musiques de carnaval. On ne sait pas où on les fera. En tout cas, ce ne sera pas à la Poudrière, parce qu'il n'y a pas la place. La possibilité. Ouais, ça fait trop de bruit. Ah, ça fait trop de bruit pour les voisins. Oui, et puis il n'y a pas la place. Ouais. Enfin, ce n'est pas fait pour ça. OK. OK. Ben... Et donc quand même, c'est vraiment une collaboration entre le Nova et le Carnaval... Le collectif du Carnaval Sauvage de Bruxelles. Parce que, en fait, voilà... L'idée de la programmation vient du fait qu'il y a plusieurs personnes du Nova qui ont participé à ce carnaval. Et puis à un moment donné, on s'est dit, tiens, mais qu'est-ce qui existe en matière de cinéma ? Et en fait, donc ça a quand même nécessité pas mal de prospection, de visionnement de films. Donc c'est un boulot de 2 mois. Et je pense qu'on est arrivé à quelque chose de chouette. Ouais, moi aussi, je trouve. Voilà. Et donc, on est content que ça arrive. Bah, ce qu'on peut dire, c'est qu'on s'est beaucoup basé sur les pratiques carnavalesques. C'est ce qui nous intéressait dans... Enfin, l'ensemble des films montrent des gens en train de préparer et de faire carnaval. Et c'est bien par le truchement de la culture populaire vivante et active qu'on essaye de le faire voir, plus que par le côté carnaval spectacle, carnaval institutionnel, carnaval organisé par policiers, organisé par des puissances politiques pour faire venir des touristes. Tous ces trucs-là, on ne les montre pas, quoi. C'est vraiment des carnavals dont les gens sont les instigateurs, quoi. Ouais. Mais il y a tous les carnavals qui sont où la population participe ne sont pas des carnavals sauvages. Non, il y a des carnavals très anciens, traditionnels. Parce que le carnaval de Dunkerque est un carnaval avec une participation énorme de gens. Oui. C'est pas un carnaval sauvage. C'est pas un carnaval sauvage. Il est pas. Enfin, je sais pas à quel point il est institutionnalisé, par contre, parce que c'est beaucoup des groupes de carnavaleux qui les organisent. Bon, faut voir au cas par cas. Hein. Ouais. Je peux pas parler généralement de Dunkerque parce qu'ils ont. Enfin, vu l'ampleur que ça a, il y a forcément la mairie qui intervient. Mais je pense que si la mairie arrêtait d'intervenir, le carnaval continuerait quand de même. De toute façon, je crois, oui. Parce que je crois que c'est une institution à Dunkerque. C'est vrai que c'est assez fantastique. Moi, j'y suis allé une fois, c'est vraiment assez fantastique. Voilà. Et c'est ouais. Et puis c'est pas que le Mardi Gras à Dunkerque. Ça dure plus que ça. Ça dure sur les week-ends, ça dure pendant facilement 2 ou 3 mois, je pense. Ouais, ouais. Et alors, ce carnaval, ça vient d'où, à l'origine ? Le carnaval en général. En général. Ben, y a pas mal de sources différentes. Il y a des sources historiques, il y a des sources en Mésopotamie. Il y a des sources en Grèce antique avec les fêtes à Dionysos. Il y a des sources en Rome antique avec les Saturnales, qui sont des fêtes d'inversion de la société où le maître devient esclave et l'esclave devient le maître pendant quelques jours et les rôles s'échangent à ce moment-là. Et puis, il y a donc ça, c'est des sources assez anciennes. Et puis, on commençait à avoir des traces aussi ce que disent les prêtres du carnaval. On a des condamnations par le clergé qui sont assez anciennes. Il y en a qui datent de 600 après Jésus-Christ. Donc c'est un moment où en fait le clergé se met à combattre les mascarades, à combattre les formes de paganisme qui sont actives à ce moment-là. Et donc, il y a des condamnations très claires de costumes, par exemple, de vieilles, d'animaux, de chèvres, etc., qui sont en fait des motifs qui sont hyper récurrents encore maintenant, aujourd'hui, dans des carnavals qui ont lieu à travers toute l'Europe. Mmh. Les carnavals sont tous procèdent de toute la même façon ou comment ça se passe? Il y a énormément de carnavals différents. Du coup, c'est assez difficile d'en parler comme ça. Il y a des carnavals ruraux et il y a des carnavals urbains. Les premiers carnavals étaient plutôt ruraux, non? Parce que c'était plus, il y avait une forte présence de l'agriculture et. Et c'est devenu urbain plus tard, non? J'en sais rien, c'est possible. On ne sait pas comment ça s'est diffusé. Ça a pu se diffuser, par exemple, par des gens qui étaient itinérants, par exemple des comédiens itinérants. Ça a pu. Il y a des gens qui pensent que c'est une forme de religion. Enfin, il y a plein d'explications. Que ça a un lien avec la religion et que donc ça se diffuse comme ça par le Mais ça a toujours eu un lien avec la religion? Pas au départ? Bah, j'en sais rien. Ouais. En fait, en tout cas, l'Église, à un moment, s'est accaparée du carnaval qui existait déjà. Ouais. Donc on l'a quelque part formalisé, on en a fait le début du carême. Ouais, enfin, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un rapport au calendrier. Il y a un rapport au renouveau de la nature, y compris des cultures. Et donc, les mascarades d'hiver, elles commencent vers Noël. Donc là, les catholiques ont mis Noël sur le solstice d'hiver. Ils ont mis Pâques sur l'équinoxe de printemps. Mais voilà, à la Saint-Jean, on sait qu'il y avait des fêtes aussi, des fêtes de la lumière, donc qui correspondent au solstice d'été. Et à Halloween, donc à la Toussaint, y a des fêtes des morts aussi qui commencent. Donc toutes ces fêtes... en fait, les grosses fêtes chrétiennes, elles tombent sur les fêtes cosmiques, enfin les moments cosmiques. Qui existaient avant... Voilà, c'est ça, voilà. Qui devait être fêté, parce que les gens n'ont pas attendu les chrétiens pour savoir que les équinoxes tombaient à tel ou tel moment. Et donc ces moments étaient fêtés. Et c'est pareil pour plein d'autres choses dans les cultures païennes. C'est qu'il y avait par exemple des sources qui étaient vénérées, des arbres qui étaient vénérés, un tas de pratiques, en fait, où les catholiques sont venus... se greffer. Enfin, ou en tout cas, les chrétiens sont venus greffer, par exemple, des chapelles, un petit hôtel à Marie. Et ça, il y a encore maintenant, hein, dans les campagnes belges, par exemple, il y a des arbres à clous, où il y a des pratiques de guérison qui sont encore actives. Et à côté de l'arbre, il y a un petit pilier avec une vierge dessus. Voilà, donc c'est vraiment ce mouvement, en fait, de combat sur le terrain du clergé chrétien, je ne sais pas si on peut dire catholique à des époques reculées, mais en tout cas chrétien, aujourd'hui catholique, et qui combat les traces des cultures païennes. Quoi. Ouais. Mais vous avez aussi amené plusieurs sons, des trucs très différents, et des répétitions pour le carnaval sauvage, mais aussi des fragments qui viennent des films qui passent au cinéma. Oui, tout à fait. Parce que la musique est très importante dans le carnaval, hein, donc les chansons surtout. Dans le carnaval sauvage, cette année, on va tenter l'expérience d'inventer une chanson, parce qu'on ne l'a jamais fait. Et en fait, c'est avec cette programmation-ci qu'on s'est rendu compte que, tiens, mais ça manque dans le carnaval sauvage de Bruxelles. Et là, on peut écouter, oui. J'ai fait quelques captations, notamment du colloque qu'a organisé, mais aussi de la veillée, enfin de la deuxième veillée carnavalesque, donc le collectif anonyme des carnavals en Boulan. Le caca. Voilà, parce que tout ce qui est, enfin voilà, c'est pas un hasard qui s'appelle le caca. Parce qu'il y a beaucoup de choses liées, disons, au métabolisme. Ils aiment bien les odeurs, ils aiment bien... Et voilà. Et il y a notamment... Bon, on peut directement mettre... Enfin, il y a notamment une chanson sur le paix. Mais peut-être qu'on peut écouter un peu plus tard. Vu qu'on parle de carnaval, je proposerais plutôt d'abord de prendre la... les totems carnaval, totems des animaux. Voilà, parce que là on va directement dans un vif du sujet par rapport, donc ça termine par une explication de l'importance de chanter dans le carnaval. Et qu'est-ce que les totems font là-dedans? Les totems, c'est les symboliques. Chaque carnaval a en général... Ce que disait Anaïs, c'est que dans le pays d'Oc, d'où viennent donc la plupart des membres du caca, les villages ont des animaux totems. Donc ils sont repris dans les carnavals. Par exemple, à Pau, c'est le carnaval de l'ours. Il y a un carnaval du pou, il y a un carnaval de je sais plus quoi. Enfin, c'est dit dans la chanson, hein, on n'a qu'à l'écouter. Ok, bah oui, on peut écouter ça. Mais où il est, carnaval? Mais où il est, carnaval? Mais où il est, carnaval? Mais où il est, carnaval? Je l'ai vu à Bruxelles, en compagnie des géants. Si tu veux bien te presser, tu sauras le rattraper. Mais où il est, carnaval? Mais où il est? compagnie de l'ours. Si tu veux bien te presser, tu sauras le rattraper. Mais où il est, carnaval, mais où il est. À Pézena, en compagnie du poulain. Si tu veux bien te presser, tu sauras le matin. Mais où il est, carnaval, mais où il est, carnaval, mais où il est, carnaval, mais où il est, carnaval. Je l'ai vu à Metz, en compagnie du bœuf. Si tu veux bien te presser, tu sauras le matin. Mais où il est, carnaval, mais où il est, carnaval. Je l'ai vu à Saint-Félix de mon chien, en compagnie du chien. Si tu veux bien le presser, tu sauras le rattraper. Mais où il est, mais où il est, mais où il est, mais où il est, carnaval. Je l'ai vu à Gignac, en compagnie de l'âne. Si tu veux bien le presser, tu sauras le rattraper. Mais où il est, carnaval, mais où il est. À Connas, en compagnie du fou. Si tu veux bien le presser, tu sauras le rattraper. Mais où il est, carnaval, mais où il est, carnaval, mais où il est, carnaval, mais où il est, carnaval, mais où il est, où il est, où il est. Alors ça pourrait durer toute la nuit, hein, pourrait être infini. Et c'est typiquement une chanson que nous, on aime pour partager à Carnaval, parce que ça peut être aussi une chanson d'improvisation et d'agglomération. Donc là, on parle de vrais animaux totémiques, ou personnages totémiques, ou figures totémiques, mais ça pourrait être aussi des inventions. Et voilà, donc elle peut être très très longue, hein. On va pas vous faire cet affront. Mais c'est aussi pour dire, et il va le dire, que les chansons de Carnaval qu'on aime partager à Carnaval, c'est des chansons aussi qu'on crée ensemble et où chacun peut s'agglomérer et arriver à rajouter son petit quelque chose, à dire un truc. Et on aime créer ces conditions où finalement il n'y a pas de spectacle parce qu'il n'y a pas de spectateur, parce que la chanson est à tout le monde, parce qu'on est en train de l'écrire ensemble. Bye. Voilà, sur Tranche d'Anar, Radio Libre. Et ce soir, donc, nous parlons du Carnaval Sauvage qui aura lieu à Bruxelles et Carnaval Total, la programmation autour du Carnaval au cinéma Nova. Et qu'est-ce qu'on vient d'écouter, là ? Eh bien, je ne connais pas le titre de la chanson, donc ça a été chanté aussi lors de ce fameux colloque du caca. Donc on pense que c'est une chanson évidemment traditionnelle occitane, mais si jamais il y a des auditeurs qui reconnaissent la chanson, ben, qui n'hésitent pas à téléphoner à la radio. Je répète le numéro peut-être. 02 344 58 55. Voilà, et en fait c'est parce qu'il y a évidemment qui dit carnaval, il y a énormément de chansons populaires. Donc traditionnel et enfin voilà, donc c'est du folk et voilà, on aime bien ça aussi au Nova et dans les carnavals, donc on est loin de la musique brésilienne ou d'autres musiques qui sont très bien, ou en général je veux dire voilà, le carnaval bon, pour le Carnaval Sauvage pour le moment on a surtout une fanfare, la clique. D'ailleurs, la première année, c'était une fanfare qui jouait des musiques de la New Orleans, qui est aussi voilà, où ils ont un gros carnaval et ils ont énormément de fanfares. Il y a notamment un film qu'on passe qui s'appelle The Wall Gritty City. Voilà. Et dont il y a encore une projection, je pense, ce week-end. Ça doit être dimanche. Et voilà, et donc on essayera d'y travailler, mais c'est par exemple Dunkerque, on a passé un documentaire, bon là on va pas le repasser, mais où vraiment c'est vraiment les personnes qui font carnaval qui vont inventer les chansons. Donc ce n'est pas spécialement des auteurs-compositeurs ou etc. Ça vient vraiment, comme le carnaval, c'est le peuple qui crée la tradition, en fait. Et une tradition. La renouvelle voilà. Régulièrement, parce que c'est ça qu'on voyait dans ce documentaire, c'est qu'il y a des gens qui prennent en main en fait, l'écriture de chansons et qui le pratiquent, ils les chantent à leurs copains, et puis hop, ça se met à devenir un hit carnavalesque, c'est-à-dire qu'il est repris pendant le carnaval et que tout le monde se met à connaître cette chanson et à la chanter ensemble. Et comment est-ce que la chanson sera intégrée dans le Carnaval Sauvage ? Là, on ne sait pas encore. On s'est dit que ce serait bien qu'on commence réfléchir à comment on allait faire pour mettre... Mais en plus, on ne sait même pas si ça va être des chansons ou des cris ou un mélange des deux. Parce que comme il y a beaucoup de gens qui sont habillés en animaux ou en espèces de créatures qui n'auraient pas l'usage de la parole, finalement, il y aurait la possibilité de travailler sur une forme de cri collectif, soit rythmé, soit pas. Enfin, bon, voilà. Et puis, bon, on a aussi des costumes qui sont des costumes qu'on range dans le groupe qu'on appelle des archétypes. Donc, on aurait... un roi, un juge, un policier, un avocat, un procureur, une mariée, on a un Gilles aussi qu'on range dans cette catégorie. Enfin, on a un certain nombre de personnages comme ça qui sont pris dans les folklores d'ailleurs, hein, dans les folklores de carnaval urbain, mais qui eux ont l'usage de la parole, puisque c'est eux qui font le procès pour la plupart du temps. Mais ces personnages pourraient très bien chanter et être soutenus par le chant, par d'autres créatures derrière. Voilà. Mm-hmm. Donc, c'est ce qu'on s'imagine. Est-ce qu'on a déjà mentionné la date du carnaval sauvage? Le 21 mars. Le 21 mars. Pour cette année, hein, ce n'est pas tous les 21 mars. En fait, ouais. Normalement, c'est une semaine avant l'équinoxe de mars. De mars, mais il se trouve que là, bon, on n'a pas pris cette tradition. En fait, l'équinoxe cette année, il tombe le 20. Voilà. Donc, on est le premier samedi après. Mmh. Normalement, c'est le premier samedi, ouais. Enfin, le dernier samedi avant. Mais voilà, les musiciens n'étaient pas disponibles et c'est vraiment un problème. Bah oui, il faut. Et donc là, la clique sera au grand complet. Et on a quand même oublié de mentionner que le Carnaval Sauvage, il fabrique ses costumes, etc., à partir de matériaux récupérés. Donc l'idée, c'est de faire ses masques, s'inspirer de carnaval à travers l'Europe, ou d'ailleurs même, mais sans qu'on débourse un euro. Et surtout qu'on... Enfin voilà, et donc on démarre place du jeu de balle. En général vers 15h, 16h. Et en fait, la place du jeu de balle, c'est une source d'approvisionnement de tous ces matériaux. Donc c'est là où il y a le marché tous les jours. Et donc il suffit d'aller fin du marché pour glaner les fausses peaux, les divers objets qui seront les matériaux premiers pour faire les costumes et les masques. Ouais, en général, c'est des objets mis au rebut, donc c'est plutôt un carnaval de poubelles que de... Voilà. Oui, mais en même temps, c'est très important parce que, en fait, quand on voit dans les carnavals ruraux, etc., bon, ben, la première source qu'ils ont, si c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de peaux de bêtes, par exemple, puisque, bon, voilà, c'est... Il y a des éleveurs, voilà, ils ont abattu un mouton, ils ont une peau de mouton, ils ont des cornes, ils ont... Ouais. Ils ont des chèvres, ils ont des cornes de chèvre et ils font leur costume avec ce qu'ils ont sous la main, qui reste quoi, de leurs activités. En parlant de carnaval rural, pour les personnes qui ont quand même envie de faire le carnaval le dernier samedi avant l'équinoxe, il y a le carnaval sauvage de Chigny à ce moment-là. Oui. Bah, faut y aller. Certainement. Je pense qu'ils étaient encore à la recherche d'une fanfare, mais je ne sais pas où ils en sont maintenant. Eh ben, ils ont demandé un peu d'aide, je crois, de notre côté, mais je ne sais pas dans quelle mesure des personnes seraient disponibles. Mais en tout cas, je sais qu'il y a... parce qu'il y a aussi ça qui est chouette, il commence à y avoir des liens entre les carnavals un peu indépendants comme ça. Et nous, on a des liens avec Marseille. Il y a un autre carnaval aussi, carnaval à Liège, des patates. Le carnaval du Nord. Ouais, du Nord. Ouais, là, on est en lien avec eux aussi. Voilà, donc qui viennent aussi de quartiers populaires, etc. Et donc, c'est ça qui est... On est en lien avec le carnaval cannibale à Paris. Ouais. Et voilà. Et donc, tous ces liens font qu'il y a une certaine solidarité qui s'opère. Nous-mêmes, au Carnaval Sauvage, quand le Carnaval de Marseille a été réprimé, on a envoyé des armes pour que leur prochain carnaval, ils puissent protéger leur carnaval. Bon, des armes factices, évidemment, et ludiques. Mais c'était amusant de les construire. Après, je pense qu'ils ont dû apprécier. Mais bon, voilà, moi, j'y étais pas quand on a remis les armes. C'était quand même assez fun. La livraison a bien eu lieu, en tout cas. Voilà. Et les gens aussi se déplacent pour aller dans les carnavals amis. Et c'est ça qui est aussi bien. C'est que il y a des personnes qui font plusieurs carnavals. Ouais, et on a envoyé un char aussi. Ah oui, c'est de l'armement plus sérieux. On a envoyé un char qui est allé à... Alors, c'est Quentin et Audrey qui ont construit le char du Carnaval Sauvage de l'année dernière. La crâne morte. La crâne morte, qu'on appelle aussi la cheval, des fois, et qui est parti à Montpellier, à Alors, il est sorti à c'est pas Arles. Ou à Arles, ouais, je crois. On n'est pas très sûr. Ouais, il est allé à Marseille. Ouais. Et puis, il est revenu à Bruxelles faire le carnaval sauvage de Bruxelles. Et, on est voilà. Et il est au Nova, actuellement. En tout cas, pour encore ce week-end. Mais enfin voilà, et donc c'est. Et il y a d'autres choses hein, au Nova à voir qui sont exposées, mais exposées différemment parce qu'on n'aime pas trop voilà, exposer des masques, des costumes, etc. C'est voilà, le carnaval, ça se vit, ça se fait, mais ça ne s'expose pas dans un musée normalement, bien qu'on respecte hein, ça, il ne faut pas non plus se méprendre. D'ailleurs, on a même été invité au musée de Binche, mais bon. On ne sait pas encore très bien comment on va répondre. On va leur prêter une vidéo, je pense. Voilà, donc ils ouvrent en fait une section des carnavals à Bruxelles et il n'y en a pas énormément. Enfin bon, il y a celui de Schaerbeek, mais qui est un carnaval donc qui est centenaire, mais qui est, voilà, c'est... C'est très policé. Voilà, ouais. Donc c'est Barrière Nadar, Gros Char et tout ça qui est dirigé mm-hmm. par ouais. Le pouvoir, quoi. Voilà, bon, la commune. Vous avez encore amené des chansons ? Oui, ben, on pourrait, pour s'échapper de Bruxelles, de l'Europe, ben, on peut écouter, et pour, qui est en lien avec le, donc les chansons de carnaval, je proposerais d'écouter l'extrait du film Black Indians. Voilà. Ouais, et il s'agit de quoi ? Donc le film Black Indians, donc c'est le carnaval de quartier populaire afro-américain, donc qui se déroule deux fois, je crois. À la Saint-Joseph et à Mardi Gras. Voilà, ouais, et donc qui existe depuis deux ou trois siècles, c'est un peu imprécis, mais où c'est les Afro-Américains donc qui rendent hommage aux Indiens en s'habillant en Indien et mais surtout, ils ont pris les Indiens comme symbole par rapport à la répression qu'ils ont subie eux-mêmes avec l'esclavage, etc. Et donc, c'est assez compliqué, cette histoire. Et le documentaire donc, qu'on propose, qui passe une fois par semaine, montre bien, en fait, voilà, essaye de remettre à jour cette histoire qui est... Donc, il y a un carnaval qui est... Qui durent toute l'année puisqu'ils font eux-mêmes leurs costumes, donc avec des plumes, des perles. Il fut un temps où ils faisaient même avec on a entendu Hugues Poulain, des co-réalisateurs du film, qui nous a dit que dans les années 70, il y avait carrément des costumes en aluminium. Donc, ils récupéraient de l'aluminium. Donc, mais là, c'était un peu plus sauvage parce qu'il y avait des sortes de bagarres organisées. Je pense qu'il y a encore des traces parce que il y a une espèce de hiérarchie. Il y a plusieurs tribus de Black Indians. Ouais, entre 40 et 50 tribus. Voilà, et avec qui sont d'une certaine manière hiérarchisées avec le Big Chief, la reine, enfin voilà, avec le Flag Boy, le Spy Boy. Voilà, ils ont inventé tout un folklore. Et ils ont notamment des chansons. Ils ont pas un énorme répertoire, mais c'est des chansons où il y a une base d'improvisation. C'est toujours le même rythme. Donc ils ont plusieurs rythmes qui est repris en chœur par les personnes alentour parce qu'ils sont suivis par la famille, etc. Puisque c'est quand ils font leur costume, c'est toute une bande qui fait le costume parce que c'est des costumes tellement incroyables qui voilà. Mais en même temps, bon, il faut quand même savoir que les Indiens sont pas très bon, ça les intéresse pas trop. Quoique dans le film, il y a quand même un témoignage. Voilà, que je ne vais pas dévoiler, ou en tout cas, il y a une espèce de. Une sommité d'origine indienne, donc qui explique une anecdote qui fait qu'ils acceptent, d'une certaine manière, ce carnaval. Mais je propose d'écouter l'extrait. Bonne idée. Of the nation, you know what the time is done. We won't bow down, no. We don't know how. Tranche d'Anar sur Radio Air Libre, et ce soir nous parlons donc du Carnaval Sauvage à Bruxelles et de la programmation Carnaval Total au Cinéma Nova. Je pense avec cette chanson on est parti outre-Atlantique. C'est peut-être intéressant de parler un peu de ça. Ce qui est intéressant, c'est que le Carnaval, en fait, c'est une fête européenne qui s'est diffusé dans le monde, pas partout dans le monde justement, mais précisément là où ont été déportés des esclaves. En fait, dans les sociétés créoles qui suivent l'esclavagisme, c'est là que les carnavals se sont développés le plus fort en dehors d'Europe. C'est-à-dire au Brésil, en Guadeloupe, en Caraïbes, aux Antilles, au Cap-Vert, sud des États-Unis. Donc tous ces endroits où en fait les esclaves ont été déportés. Ce qui s'est passé, c'est que les esclaves africains, en fait, étaient séparés les uns des autres et ils n'ont pas pu maintenir leur tradition culturelle. Ils ont gardé des petites choses, des petits éléments. Ce que les maîtres leur autorisaient, c'était de faire carnaval un ou deux ou trois jours par an à certains endroits, pas partout. Mais en tout cas, c'est comme ça que, en fait, des gens qui étaient réduits en esclavage, dépossédés de leur propre culture, se sont retrouvés en fait à pratiquer une culture qui leur était imposée et qui était la seule qu'ils avaient et qu'ils ont en fait continué à faire vivre, mais en se l'appropriant. Et c'est ça qui est hyper important. Et en se l'appropriant et en la dépossédant du maître qui, leur, qui les, les autorisait à la faire. Et donc aussi à nous renvoyer en fait en miroir des pratiques qui sont assez anciennes. Donc il y a des motifs carnavalesques classiques qui, qu'on connaît en Europe, qu'on évolue en Europe et, qui ont, et qu'on connaît outre-Atlantique, qui ont été reprises, retransformées, renversées par les descendants d'esclaves et qui, voilà, qui existent aujourd'hui et qui constituent des pratiques culturelles hyper fortes par rapport à ce qui se passe en Europe, quoi. Et hyper fortes notamment sur, sur la question de la décolonisation du folklore, parce qu'il y a une... Il y a une des polémiques très importantes en ce moment en Belgique sur cette question. Le carnaval d'Alost vient d'être retiré de la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO pour des caricatures antisémites, négrophobes et racistes. Et que personne en Belgique, il n'y a aucun homme politique qui n'a dit quoi que ce soit sur cette question, à part le bourgmestre d'Alost qui a dit que c'était lui qui enlevait le carnaval de la liste, alors que je ne crois pas que, ce, que la décision relève de ses compétences. Mais voilà, donc là, on est, en fait, là, on est sur des sujets qui sont très importants pour les carnavals, parce que ce qui se passe, qu'on observe, c'est que y a des groupes d'extrême droite qui noyautent les carnavals. Donc, ça, c'est un fait avéré. Il y a des donc c'est l'extrême droite qui organise des chars. Qui... ces groupes d'extrême droite, il faut les empêcher de faire carnaval et de bousiller le carnaval. L'autre chose, c'est que la société belge n'a jamais fait l'inventaire de sa colonisation. Donc il faut également... Enfin, ce n'est pas juste une question d'extrême droite. C'est, que, c'est une question qui est vachement plus large et qui touche l'ensemble de la société. Et comme voilà, cet inventaire n'a pas été fait, effectivement, on retrouve plein de formes qui véhiculent des stéréotypes racistes et colonialistes. Dans les folklores, on le voit avec le sauvage de Hatte, on le voit dans des choses un peu plus, plus anecdotiques comme... Le père Fouettard. Comme de Zacre, mais aussi, ouais, par exemple, sur le père Fouettard, le Zwartepiet. Mmh. Et voilà, et donc là, là-dessus, il y, y a un collectif des coloniales qui s'appelle Bruxelles Panthère, qui est hyper actif et hyper virulent et hyper efficace, et qu'on invite à parler de la question des blackface dans les contextes folkloriques en Belgique. Ouais. Est-ce que ça veut dire blackface ? Blackface, c'est quand un blanc se grime en noir pour se moquer de lui. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on construit des stéréotypes racistes. Parce qu'ils se griment en noir, mais en même temps, ils s'habillent aussi en sauvage, dans le sens avec le pagne, tout des stéréotypes qui viennent voilà, de la période colonialiste. L'anneau dans le nez qui montre voilà. sa servitude, ouais. Comme un, et puis son, et puis il est tiré vers l'animalité aussi parce que c'est un truc qu'on fait au taureau normalement. Ouais, ouais. Voilà, et donc c'est aussi le on dit blackface, donc c'est un visage noir. C'est un visage noir, donc c'est en anglais, c'est pas pour rien parce que ça le mouvement, je pense qu'il est parti des États-Unis, notamment à la Nouvelle-Orléans, il y a un char de blackface mais par les noirs eux-mêmes. Ouais, enfin bon, ça c'est assez anecdotique par rapport à la question oui. du blackface. Le blackface, ouais. C'est surtout des comédies qui avaient lieu voilà, au début du XXe siècle ouais. et qui étaient vraiment pour se moquer, pour dénigrer les Noirs et puis en fait pour justifier le régime ségrégationniste américain ouais. et justifier l'esclavage encore avant. Enfin, c'est un phénomène qui... Bon, qu'il faut détailler, mais qui sert à ça, en fait. Qui n'est pas lié directement au carnaval, ça c'est vrai, il faut le rappeler, c'est lié, bon, d'abord, à la ségrégation aux États-Unis. Oui, mais aussi dans le carnaval, les personnes vont se déguiser, vont parfois parodiser, ou vont... Quand on parle d'outre-Atlantique, je me souviens, j'ai été en Uruguay. Là, tu as le carnaval noir et le carnaval blanc. Mm-hmm. Le carnaval noir, qui sont les candombés, qui sont proches du samba, mm-hmm, brésilien, et qui donc sont questions des troupes de tambours, avec des personnages, des danseurs, la lune, le soleil, des choses comme ça. Et puis de l'autre côté, tu as les murgas, qui à la base viennent de l'Espagne, et qui sont plutôt des compagnies un peu théâtrales, en fait, qui chantent d'une certaine façon, mais critiquent aussi beaucoup la politique, tout ce qui s'est passé l'année avant, tous les éléments, comme on fait un peu à Lost, tu vois, tous les éléments, des trucs qui sont passés au journal télévisé, des choses comme ça. Et donc... Et c'est le carnaval des Noirs et des Blancs. Il y a un jour où le carnaval noir, le carnaval des Blancs, les Murgas, c'est un festival qui se déroule en concours, en fait, qui se déroule sur plusieurs semaines, avec des performances dans des parcs ou parfois à l'intérieur, et puis avec un groupe qui gagne. Et ça passe à la télé aussi, c'est un truc, c'est hyper sérieux. Puis tu as le candombé, qui est donc une sortie, un cortège de carnaval, qui est surtout par des Noirs, mais pas uniquement. Il y a notamment aussi un groupe qui est des femmes, c'est un groupe non mixte, il y a un peu de tout là-dedans, et qui font aussi des sorties les semaines avant le carnaval, des appels, tu vois, pour s'entraîner, soi-disant, mais du coup, on peut aussi aller déjà des semaines avant pour aller voir comment ça va se passer, mais un peu moins de monde. Mais là, tu vois vraiment les deux cultures... Deux approches différentes du carnaval. Qui coexistent, en fait, dans la même ville. Ah ouais, uh-huh. Ok. Mais enfin voilà, ici il faut savoir aussi qu'il y a le Blackfest côté aussi des gens afro, enfin voilà, qui sont d'origine noire, mais qui s'appellent le nègre marron. Ouais, alors mais voilà. Ça c'est ce que je disais tout à l'heure sur la façon dont les pratiques carnavalesques nous reviennent par la bande, en fait, et c'est-à-dire que dans les sociétés créoles, donc là je vais parler plutôt de la Guadeloupe, mais ça existe en Guyane, ça existe à Haïti. Il y a des costumes de nègres marrons qui sont les nègres marrons, c'est les esclaves qui ont pris la fuite, donc ils se sont libérés de leur joug et qui sont partis. D'ailleurs, c'est le fondement aussi des Black Indians, hein, cette histoire de marronnage, c'est que les esclaves en fuite trouvaient refuge chez les Indiens. Et donc, il y a toute une narration autour de cette histoire qui est plus ou moins claire et différente selon les zones où il y a ces costumes. Mais en tout cas, la pratique, c'est de se noircir la peau davantage que la couleur marron des gens qui le font, quoi. Et alors, bon, ce truc-là, il ressemble beaucoup à ce qui se fait en Europe. Il y a beaucoup de pratiques, en fait, de macules noires de la peau. Mais par contre, qu'est-ce qui se raconte à travers cette pratique-là ? Là, on commence à avoir un éventail assez large de choses, et ça va donc du blackface le plus crasse et le plus méprisant à des trucs qui sont beaucoup plus qui sont plus compliqués déjà, parce que si c'est des noirs qui le font, est-ce que c'est encore du blackface? Est-ce que c'est un hommage qu'on rend, par exemple, au nègre marron? Est-ce que c'est... parce que les sociétés créoles, elles étaient aussi très racistes. Donc il y avait une espèce de répercussion de ce racisme sur des gens qui étaient métis, mais un petit peu plus blancs que machin, qui était un petit peu moins noir, je sais pas quoi. Enfin, tu vois, dans des trucs qui font des gradations comme ça, de plus t'es noir, plus t'es bas dans la société. Et donc, il y a aussi eu des cas de moquerie, en fait, de la part des métis sur les ceux qui étaient les moins métissés, les plus noirs. Et sauf que voilà, ce à quoi on assiste en ce moment, c'est qu'il y a des pratiques. Moi, je pense là au Voukoum, et le Voukoum est un film qu'on est en train de qu'on présente au Nova et qu'on est content de présenter. Et qu'on va présenter justement juste avant une discussion autour du Blackfest. Donc, ouais. Ce sera le samedi 15 février. Et donc, le Voukoum est hyper pointu et percutant. C'est sur le carnaval en Guadeloupe. Ouais, c'est en Guadeloupe. Et il s'appelle le mouvement culturel Voukoum. Et en Guadeloupe, et alors ils ont inventé et détourné plein de masques, plein de costumes, en fait. En fait, le Voukoum sort en un seul costume. C'est-à-dire qu'ils font un défilé où il y a 200, 300, 500 personnes, mais qui ont le même costume. Ça s'appelle un déboulé, et ils sont toujours précédés par des fouets. Donc ça, c'est aussi évidemment quelque chose qui vient des carnavals européens, mais qui nous revient par ces pratiques-là, parce que c'est pas innocent d'utiliser un fouet quand on est un descendant d'esclaves, et ils ont complètement retourné la pratique. En Europe, c'est un truc qui chasse les mauvais esprits, en fait, le fouet. Et alors, bah là, peut-être que ça continue à chasser les mauvais esprits, mais c'est aussi une façon de remettre en jeu ce passé esclavagiste de leur pays. Et il faut savoir que bon, il y a évidemment dans les carnavals en Europe, il y a des blackface avant la colonisation, mais on ne peut pas dire que c'est le blackface, c'est-à-dire que il y a voilà, des carnavals où des blancs se griment en noir, mais pas du tout pour caricaturer le noir, c'est simplement parce que ça peut être l'homme sauvage, figurer l'ours. Ouais, ça peut être la saleté aussi, voilà, d'un personnage qui vit en forêt longtemps. Ouais. Ça peut être un charbonnier, ça peut être... Puis ça peut être aussi une pratique d'anonymat, c'est-à-dire on se met juste du noir sur le visage pour pas être reconnu, tout comme on peut se mettre du blanc sur le visage pour faire la même chose. Il y a énormément de cas différents, et c'est intéressant de regarder à quel moment c'est quelqu'un qui s'est... à quel moment cette pratique carnavalesque, elle est faite pour se moquer de l'étranger, pour se moquer des Noirs, pour se moquer d'un étranger qui viendrait dans le village parce que c'est un commerçant de passage, un rémouleur, ou alors parce que c'est quelqu'un qui vient de la forêt, parce que c'est quelqu'un qui est allé trop loin dans le monde sauvage et qui est perdu pour la civilisation, que c'est un chasseur qui serait devenu braconnier, puis qui n'aurait mangé plus que du gibier interdit, comme du blaireau ou du renard. Et à ce moment-là, ce personnage sans sauvage et devient un homme sauvage. Et il s'animalise, et ce fait de se marquer le visage de noir est un des marqueurs de cette narration-là. Et d'ailleurs, on comprend bien pourquoi à ce moment-là, au moment de la colonisation et au moment du contact avec de l'esclavagisme, pourquoi on va commencer à représenter les Africains comme ça, parce qu'on a besoin, en fait, pour les réduire en esclavage et garder sa prestance morale, de dire qu'en fait c'est pas des humains mais que c'est des animaux et qu'ils n'ont pas besoin de vivre comme des humains. Et voilà, ils sont tirés vers l'animalité dans la pensée, dans toute l'idéologie occidentale capitaliste de ce moment-là, et ça se voit dans les carnavals et dans les pratiques culturelles. Mais dans le carnaval sauvage que vous faites, vous n'avez pas de représentation humaine, vous avez plus des représentations de monstres, d'animaux, de choses en direct avec la nature, non ? Alors nous, oui, c'est qu'en fait, dans les mascarades rurales, donc il y a ce lien à l'altérité qui peut se diriger vers l'étranger, mais aussi vers l'animalité. Et cette altérité animale, elle est toujours représentée, enfin toujours, elle est extrêmement souvent représentée comme dominée par la civilisation, quoi, par l'être civilisé du village. Et donc c'est pour ça qu'on voit un ours qui est tenu en laisse ou enchaîné par un personnage qui représente la civilité. Nous, quand on a commencé à réfléchir à ce qu'on voulait faire au Carnaval Sauvage, on s'est dit que ces figures d'ours, d'animaux, elles étaient vraiment bien, mais qu'on n'avait pas du tout besoin de les représenter comme dominées par la civilisation. On a libéré l'ours. On a libéré les ours, et puis tous les autres animaux, et puis voilà, puis on s'était dit que ça voulait rien dire pour nous de se déguiser en étranger, que ça ne faisait absolument aucun sens. Et donc, oui, on a plutôt développé les monstres, les animaux, les êtres sauvages, mais qui ressurgiraient dans la ville en sortant des bouches d'égout parce que ce sont aussi des êtres souterrains ou bien qui peuvent faire allusion au retour des morts ou des esprits qui sont étant souterrains, c'est ceux qui sont responsables de la régénération des végétaux. Est-ce qu'on ne passerait pas encore une chanson ou un son? Il y a encore des... Non, on en sort quelques morceaux. Oui. Je ne sais pas si... Il y a des répètes du Carnaval Sauvage. Ouais, un Wise Eye. Ah, tu veux dire la clique? Non, Wise Eye. Wise Eye, ok. Un de deux MP3. Ah, ou la clique, on peut mettre la répétition. Je ne sais pas, il y a... Je ne savais pas qu'il y avait YDI dans le... Ouais, bah mets la clique plutôt. On a un beau morceau de répète de la clique. Je voudrais bien savoir le nom, parce qu'exactement, il n'y a pas écrit... En fait, qu'il est le plus beau, ils sont les plus beaux, c'est ça? Ils sont les plus beaux, ils sont chauds. C'est ça? Pardon? Ils sont beaux, ils sont chauds, le nom du morceau. C'est vrai? Je sais pas. Moi, j'ai pas nommé. Moi, j'avais fait seulement le lien. Essaye de le mettre et puis on verra. On va identifier à l'écoute. On y va. Toujours sur Tranche d'Anar, Radio Air Libre, avec le Carnaval Sauvage de Bruxelles et la programmation Carnaval Total au Cinéma Nova. Donc voilà, ce qu'on a entendu, c'est bien un extrait de la clique en répétition. Donc la clique qui est la fanfare du Carnaval Sauvage de Bruxelles. Et dont on a parlé, on a aussi évoqué YDI. En fait, il se fait que ce groupe bruxellois, ben, les membres de ce groupe font aussi partie de la clique. Okay. Et eux-mêmes, quand ils ont démarré plus ou moins un peu après le Carnaval Sauvage, donc ils sont eux-mêmes masqués quand ils se produisent et avec des instruments autoconstruits, enfin, c'est assez génial. Ils partent en transe. Comme le carnaval, hein, je veux dire, voilà, sauf que là, c'est plutôt urbain, nocturne, et c'est carnaval toute l'année, enfin, en tout cas, au moment des concerts. Voilà, sauf qu'il n'y a que eux qui sont déguisés, mais c'est, enfin, voilà, et ils ont vraiment beaucoup de succès, et c'est vraiment chouette. Ouais, voilà. On les adore. J'ai encore une question. Sur le Carnaval Sauvage, dans les années passées, il y a eu des malentendus avec la police, par exemple, des choses comme ça. Est-ce que vous communiquez avec la police ou Sauvage, c'est Sauvage? Alors, c'est Sauvage. On communique avec la police le jour où on sort. Ok. C'est-à-dire qu'on on sort en costume. Et là, en général, il y a des flics qui arrivent en nous demandant « Mais que se passe-t-il » Depuis comme... le temps, ils ne le savent pas. si, je pense qu'ils le savent. En fait, il faut qu'ils téléphonent. Et alors, ils tombent sur quelqu'un qui dit « Ah oui, ah ok, c'est encore le Carnaval Sauvage. » Comme on est organisé, on a des délégués qui vont parler à la police. Et qui font que la police se sent écoutée. Et c'est ce dont la police a besoin. Ça c'est juste. Ça c'est vrai. Ouais. Et du coup, on leur donne le plan de notre parcours et tout, et ils ont l'impression qu'on s'occupe d'eux. Et, ils sont tout contents. Et puis nous, on fait notre parcours. Et puis voilà. En général, ça se passe bien comme ça. Ce qui complique la donne, c'est quand on commence à allumer le feu. Oui, là, c'est un peu plus compliqué. Parce que là, ils se mettent à se dire que... Non, enfin, voilà. Il faut... Enfin, bon, d'abord, c'est un carnaval autogéré. Et dès le début, on n'est pas là pour foutre la merde. Donc, voilà, on essaye de faire attention de ne pas bloquer outre mesure la circulation. On essaye de passer plutôt dans les quartiers populaires et pas dans les quartiers commerçants, puisqu'on sort tout systématiquement un samedi. Et le feu, parce que tout carnaval digne de ce nom termine par un feu où on va brûler le carmentran, ou caramentran comme ils disent en Provence. On essaie d'aller dans une friche et il n'y a qu'une seule fois où effectivement on a eu un gros problème puisque là on nous a demandé de faire le carnaval carrément, enfin de terminer place du jeu de balle. Donc on est resté dans les quartiers des Marolles, là où on démarre. Et il se fait que dès que le premier masque s'est enflammé. Non, il s'est même pas enflammé, il s'est approché du feu en dansant et la police a arrêté. Elle a craint pour notre sécurité. Voilà, ils ont éteint le feu. Alors que nous, on avait carrément construit une espèce de tôle, une grande tôle qui accueillait le feu pour protéger les pavés des Marolles qui sont sacrés. Bien sûr. Et malgré toutes ces précautions, enfin voilà, ils ont... La police a préféré nous infantiliser. C'est vrai qu'ils étaient assez... En tant que spectatrice, ils étaient assez paniqués, parce que j'ai vu ça. Ouais. Et ils étaient vraiment complètement paniqués par ce feu. Et ils se disaient, ça y est, s'il y a quelqu'un qui va y avoir un accident. Oui, mais voilà, on sait que le feu, ça brûle au Carnaval Sauvage. On a eu quelques brûlés, c'est arrivé, c'est vrai. Mais... Mais en même temps, enfin, on a directement réagi. Il n'y a pas aussi, enfin voilà, le carnaval, c'est quelque chose de collectif. Et tous les témoignages qu'on a eus jusqu'à présent par rapport à des personnes qui participent au carnaval, c'est qu'il y a vraiment une attention Les uns pour les autres. Les uns pour les autres. Ouais, on fait attention. En fait, le cortège est en autogestion. Donc, si on voit qu'il y a un problème, si quelqu'un se blesse, s'il y a un souci, s'il y a une dispute, une bagarre, les gens se mêlent de cette situation pour la résoudre au mieux. Et c'est ça. Et c'est pour ça que ça se passe bien, en fait. Parce qu'on est là pour faire la fête et pas pour. Enfin voilà. Pour se moquer. C'est l'autogestion du cortège et puis voilà la responsabilisation des gens qui le suivent. C'est ça, s'il n'y a pas d'autorité qui s'occupe d'un événement comme celui-là, bah, les gens sont responsables d'eux-mêmes et puis des gens à côté d'eux, quoi. Donc voilà, c'est, les choses se discutent, s'arrangent. Et puis c'est pour ça que ça se passe bien, en fait. Et quand vous faites votre parcours, par exemple, est-ce que les gens qui ne sont pas du cortège et qui vous regardent et tout ça, est-ce qu'en général ils sont un peu déguisés ou un peu masqués ou un peu... enfin, il y a une... Alors, et ils peuvent rentrer dans le cortège facilement ? Bah oui, tout le monde peut rentrer dans le cortège facilement. Ce qui est, par contre, ce que nous, on demande, c'est que les gens se mettent un masque. Parce qu'on pense que le fait de se masquer... En gros, c'est la règle numéro 1 du carnaval sauvage. On met un masque. La règle numéro 2, c'est qu'on ne dépense pas d'argent pour fabriquer son masque. C'est-à-dire qu'on ne va pas acheter de matériaux. Mais le fait de mettre un masque, en fait, ça produit quelque chose en tant que carnavalier au niveau de l'intime. Et aussi, ça va produire quelque chose au niveau de ce qu'on voit, c'est-à-dire au niveau de la foule. Et le fait que la foule soit masquée va produire une énergie. Et s'il y a plein de gens démasqués dans la foule qui sont là, un peu en touriste, à regarder ce qui se passe, et ben ça va commencer à séparer les gens masqués les uns des autres et à déforcer l'énergie du cortège. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la fête. Et l'énergie de la fête, bah voilà, elle est portée par le fait que les gens soient masqués. Donc, c'est pas difficile de prendre un torchon avant de partir en se disant ah, tiens, je vais aller voir le carnaval sauvage. Tu prends un torchon, tu fais deux trous pour tes yeux et tu le mets sur ta tête et tu viens. Et quand t'en as marre, tu l'enlèves. Mais c'est ça qui va faire que voilà, que ça va soulever en fait la foule. Que ça va soulever une énergie qui est hors du commun et qui fait que ça va porter le cortège et l'énergie de la fête, en fait. Voilà. Il y a encore. Ben, on peut encore parler un peu de la programmation du Nova. On peut encore passer un son. Il y a encore beaucoup de films donc qu'on a programmé au Nova. On pourrait passer par exemple le son extrait donc on passe aussi des fictions et donc je proposerais qu'on passe l'extrait de Wicker Man qui est un film voilà de genre plutôt horreur mais sans tomber dans du gore, etc. Mais c'est un film début des années 70 et qui est un chef-d'œuvre, on peut le dire, dans, en tout cas dans son genre, et qui se passe dans un lieu sur une île, donc en Angleterre, isolé, où il pratique un carnaval païen. Et le nom en français, ils ont donné le dieu d'Osier. Donc il est question d'une espèce de caramantran, mais ça se déroule plutôt l'été. Donc là, on est sur la Saint-Jean, etc. Mais donc il y a des séquences masquées et il y a surtout une bande-son originale avec plein de chansons, plutôt folk. Des très belles chansons, comme on peut écouter, je ne me souviens plus du nom, mais on le dira juste après, je pense. I put my hand on and she says, do you want to see? I put my hand on her breast, and she says, do you want a kiss? Gently, gently, gently, Johnny, gently, Johnny, my jingle. Gently, gently, gently, Johnny, gently, Johnny, my jingle. I put my hand on her thigh, and she said, try. I put my hand on her belly, and she says, do you want to fill me? Gently, gently, gently, Johnny, gently, Johnny, my jingle. Gently, gently, gently, Johnny, Tranche d'Anard sur Radio Air Libre. On parle toujours du Carnaval Sauvage de Bruxelles et la programmation Carnaval Total de Cinéma Nova. Bon, on n'a pas encore tout dit. On pensait d'avoir beaucoup dit déjà, mais en fait, non. Il y a encore des choses à souligner. Notamment, on vient de discuter là, hors antenne, du côté politique du Carnaval Sauvage, aussi l'importance du fait de brûler un personnage dont j'ai déjà de nouveau oublié le nom. Le Caramontran. Caramontran. C'est le carnaval. En fait, c'est le carnaval, parce qu'avant, ça s'appelait pas Caramontran, mais au début, à l'origine, on brûlait les coins, en fait. Voilà, on brûlait le carnaval, c'est ça. Ouais, ouais. C'est un personnage politique. Ça veut dire Carême-entrant, donc ouais. C'est la fin du carnaval. Oui, c'est ça. Le fait de brûler le bonhomme. Et puis, il y a la carême qui commence. Voilà, c'est okay. Ça. Donc, c'est très symbolique à travers la... Enfin, il y a énormément de carnaval, en tout cas en Europe, qui... pratique, le feu, ça va de bain. On peut pas finir un carnaval sans feu. Enfin, moment-là, c'est même plus un carnaval. et au Carnaval Sauvage, effectivement, là, on a un Carmontran ou Caramontran, qui a une double tête, dans le sens que c'est un couple qui s'appelle le promoteur et sa compagne, la bureaucratie. Et donc, on a piqué cette idée, en fait, à la première bataille des Marolles. Donc, je crois que c'est en 1967 où le... 9, ouais. et où les habitants des Marolles en fait se sont battus contre l'extension du palais de justice et ils ont gagné. Pour faire fêter ça, ils ont enterré le promoteur et sa femme, la bureaucratie. Et il y a un chouette film qui s'appelle La bataille des Marolles, voilà, qui le montre à la fin du film. Et donc nous, on a repris ces personnages parce que c'est complètement emblématique de Bruxelles. Donc ça vient aussi, voilà, la bruxellisation, c'est pas pour rien qu'il y a ce terme. Maintenant, c'est de la gentrification, donc ben, un terme là qui vient du Québec, je crois, enfin du Canada, mais qui fait que le Bruxelles est... Enfin, et voilà, et on a l'impression que c'est les promoteurs qui le transforment, mais c'est surtout la démission du politique. Et ça, on le voit depuis des années, et que voilà, ça se passe tous les jours. Heureusement qu'il y a des associations qui se battent contre ça. Et donc, le carnaval qui a débuté avec la fermeture d'un lieu autogéré, mais qui n'était pas un squat, hein, mais qui. C'était voilà. Une occupation précaire le long du canal. Voilà. Et à hauteur de la gare du Nord, donc c'est maintenant un immeuble de loft. Donc c'est vraiment, voilà, c'était un... Moi, avant que la compilothèque existe, j'étais allé là, c'était un bar populaire bruxellois de base. Voilà, c'est avant qu'il... C'est devenu la compilothèque, et ils l'ont pété pour faire des lofts. Voilà, donc c'est là où se trouve la tour Upside, donc la fameuse tour qui parvient... Enfin, finalement, c'est une mauvaise affaire pour les... ceux qui ont acheté les apparts, à ce qui paraît. Mais en tout cas, enfin voilà, donc le côté politique, il est aussi là, c'est prendre la rue, voilà, l'espace public, parce que bon, ça nous appartient, et que comme les Black Indians à la Nouvelle-Orléans, voilà, c'est le jour où, enfin le jour, nous on a défini ce jour-là. On a repris voilà, l'équinoxe, machin, mais ce n'est pas le Mardi Gras. On n'a pas choisi le Mardi Gras. Non, c'est le calendrier chrétien Mardi Gras. Voilà, parce que c'est posé sur Pâques. Donc nous, on s'est remis sur le calendrier cosmique, sur l'équinoxe. Donc on respecte l'authenticité du carnaval, mais qui était dès le début politique, dans le sens que c'est l'inversion de la société. Où là, je veux dire, on l'a dit au début de notre conversation, c'est qu'il y avait des carnavals où voilà, les choses s'inversaient, quoi. Où c'est le maître devient esclave, l'esclave devient maître. Et ici, c'est pareil. Et souvent, dans les carnavals, ça se termine par des... je pense, par exemple, au carnaval de Malmedy, dont on va diffuser un film samedi. Donc qui lui se termine, enfin à un moment donné il y a une espèce de scénette où des gens en patois vont commenter l'année qui s'est écoulée, souvent même écrit, versifié, etc., mais de manière plutôt drôle. On l'a vu aussi dans c'est des satires politiques, quoi. Voilà, ouais. Et donc c'est un moment donné où effectivement on va pas gêner pour critiquer le politique. Nous-mêmes on fait un procès du promoteur et la bureaucratie. Après bon voilà, donc chaque fois il prend une autre forme chaque année, parce que bon, on aime bien aussi rechercher un moyen de... On essaye plutôt de le faire en début, tout début, Place des Marolles, depuis quelques années. Un peu plus d'écoute que... Voilà, oui. Parce qu'après, ça se noie. Mais voilà, donc on verra la forme que ça prendra donc le 21 février. Donc, le 21 mars. Oh là là. 21 février, qu'est-ce que je dis ? 21 février, il faut être au cinéma. Au cinéma Nova, mais il n'y aura pas carnaval, ce sera un super concert avec des prisonniers qui font du rap. Mais bon, on change de sujet, quoi, que c'est quand même politique. Non, mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que faire carnaval, il y a un, y a quelque chose de politique dans le sens où c'est faire l'épreuve de la puissance collective, en fait. Et ça, indépendamment de toute institution. Voilà. Mm-hmm. Ça, c'est quand même super important. Et c'est le faire dans la rue, quoi, dans l'espace public. Voilà. Et encore une fois, ce n'est pas l'institution qui fait la tradition. Hein, qui, voilà, c'est les gens... C'est des pratiques culturelles. C'est les auditeurs de cette émission. Qui, en venant au Carnaval sauvage de Bruxelles, voilà. vont instituer sans institutionnaliser le carnaval. Exactement. Voilà, c'est déjà une tradition. Hein, c'est la 8e année quand même. Oui, tout à fait. Mais on est nous-mêmes reconnus d'une certaine manière par les autorités. Hein, je veux dire. Bien sûr. Et on a la chance, effectivement, pour le moment, de ne pas être réprimé parce qu'ils n'ont pas, à part dire rassemblement dans la rue, mais bon, on n'est quand même pas dans une dictature. Mais je veux dire, il y a quand même des carnavals. Donc, on a parlé de celui de Marseille, il y a celui de Montpellier qui l'a systématiquement réprimé chaque année. Ouais. Mais alors, il faut aller voir sur YouTube, hein, carnaval, je ne sais pas comment, indépendant de Montpellier. Carnaval des Gueux. Ah oui, Carnaval des Gueux. Ouais. Et systématiquement, il y a à un moment donné, ils lancent des feux d'artifice. Ouais, mais c'est un carnaval qui est super intéressant, celui-là, parce que alors il y a quelqu'un du carnaval de Montpellier qui était dans le collectif du caca qui nous a expliqué en fait c'est un carnaval qui a pas d'organisation, et donc ils ont décidé de lancer une date, donc c'est le Mardi Gras. Une heure, c'est 19h. Un lieu, c'est Place du Pérou à Montpellier. Et cette pratique-là, elle s'arrête. Enfin, l'encadrement de cette pratique, elle s'arrête à ça. Et donc, tout le monde sait à Montpellier que... À 19h, il y a la Place du Pérou, le Mardi Gras. Voilà. et c'est tout ce qu'il y a à savoir. Et les flics le savent aussi. Et ils arrivent. et puis, alors, soit ça va bien, soit ça va vite en affrontement. C'est assez exemplaire d'avoir réussi à instituer un carnaval en simplement disant ça. Je trouve ça assez admirable. Ouais. Donc, la ville de Bruxelles ne vous a pas encore proposé des subsides. Ah, d'accord. On aurait dit non. Bah oui, okay. Ça c'est clair. Après, voilà. C'est des gens bien. Hein. Oui, mais ils sont capables de les faire, hein, je te jure. Absolument. Tout à fait la culture du sauvage. Dans l'agenda culturel de la. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent. On aime bien. On a une petite caisse de cotisation quand même. Et puis le Cinéma Nova nous a un petit peu aidés. Avec la soirée de soutien l'autre fois. Comme la scène a organisé des soirées de soutien. Voilà, bon, en gros, on a un budget qui va de 300 à... Ça dépend de la destruction des instruments de la clique, et c'est ça qui fait monter le budget. Voilà, donc il y a quand même des frais, même si effectivement... Il y a le chauffage des ateliers. On glane pas mal, qui est chauffage au bois. Ouais, au bois, mais il faut... Il faut quand même le procurer, le bois, tu vas pas dans la forêt le chercher. Mais en tout cas, enfin voilà, avec peu, on peut faire beaucoup, et en général... Et on a quand même, donc comme je l'ai dit, on a quand même pas mal de succès. Et c'est vrai que, bon, j'imagine que pour quelqu'un, une autorité, on parlait de la police, eh bien, ils sont confrontés quand même, je veux dire, embarquer des personnes costumées, il y a quand même des costumes qui la jettent, qui sont impressionnants, qui sont bien faits et tout. Ce serait un peu plus la honte pour eux, parce que... Puis en plus, là, ça doit être lourd, quelqu'un qui a des costumes aussi. Je ne sais pas s'ils ont peur du ridicule, hein, franchement. Non, c'est clair. Par contre, je pense que les premières années, je pense qu'on a tenu en face de la police parce qu'on avait des beaux costumes. Ouais. Au moins les trois premières années, c'était ça. Ils nous regardaient du coin de l'œil comme ça, et puis ils se disaient, mais ils ont quand même des beaux costumes, donc... Est-ce qu'on les embarque? Est-ce qu'on ramasse tout ça aux casernes? C'est les costumes qui ont fait la différence au tout début. En tout cas, ça nous faisait beaucoup rigoler d'entendre les plus dire qu'on avait des beaux costumes. La Biffe et le Moine. Ouais, peut-être. Je sais pas. En tout cas, là, on veut pas être des moines. Mais voilà. Donc il y a là, on a débuté les ateliers. Tout le monde est bienvenu. Mam au Nova, dans le cadre de l'expo, il y a moyen de faire un masque. Voilà, il y a moyen de faire un masque à partir. Donc il y a une explication, notamment comment faire un masque à partir de bottes, de chaussures. Ouais. Donc voilà, parce qu'il y a moyen avec tout de faire des masques. Et voilà, bienvenue au Nova. Donc, Au Nova, on peut aussi fourrer le caramantran avec ses récriminations. Et ouais. C'est les vrais caramantrans qui brûleront pour de vrai au vrai carnaval sauvage de Bruxelles. Tout à fait, ils sont dans le bar du Nova et ils commencent à grossir, à s'engraisser de nos... doléances. Mais vous lisez doléances avant de le brûler, quand même. Je pense qu'on ne va pas tout lire, mais il y en aura qui seront lus au hasard. Ok. C'est ça qui est prévu pour l'instant. Ok. Parce que si c'est mettre de doléances et qu'elles sont brûlées, ça ne sert à rien de les mettre. Oui, mais après... Si, parce qu'elles sont brûlées. Et c'est une façon de... Ah. Mais après, il faudra quand même éviter s'il y a des choses... plus intime, parce que ça, on a pas dit dans le programme comme quoi ils seront... Je sais pas, mais on verra bien. Okay. En tout cas, programmation Nova, donc c'est jusqu'au 23 février. 23 février, donc qui est le dimanche, et en fait le premier jour des trois jours gras. Oui. Ok, ça va. Et le 21 mars pour le carnaval sauvage. Ouais. Et rendez-vous autour de 15h, je crois. Oui, sur la place du jeu de balle. Quand les marchands rangent les stands. Oui, c'est ça, donc c'est 15-16 heures. Il reste un peu de brol, mais que. Ouais. Qu'on a la place de sortir et qu'on n'embête pas les marchands. Oui, c'est ça, oui. Ouais, c'est donc entre 15 et 16 heures, ouais. À la place du jeu de balle. Ouais, et en général, on termine le cortège. On n'a pas encore défini le parcours, mais. Donc on terminera le cortège 3 ou 4 heures après, quoi. Ah, on va plus loin cette fois-ci. Ouais, on sait pas. Il y a toujours la caravane à bière. Oui. Enfin, on a supprimé quelques trucs au niveau organisation, mais je pense que. Il y a pas eu de. Non, on a des bières pour la clique, mais depuis quelques temps, on essaye simplement d'avoir des bières. De quoi, dans le cortège? Tu parles du cortège? Dans le cortège, oui. Ah, il y a quelques bières comme ça. Non, vaut mieux amener ces bières. Hein, oui, ça, c'est un message capital. Mais il n'y a pas eu un moment, un cortège, où il y avait quelqu'un qui donnait des bières comme ça aux gens? Non. Si, c'est arrivé. Il y a eu un moment donné où, en fait, c'est le Gilles. On s'est dit, tiens, le Gilles, au lieu de jeter des oranges, il lancera des carapils. Mais voilà, mais ça, bon, c'est... là, il faut... Si, c'était quand même marrant. Voilà. Ok, écoutez, merci beaucoup en tout cas d'être venu. Et puis, on vous souhaite plein de succès pour plein de choses. Voilà. Merci à vous. Ah oui, et pour avoir le programme, n'hésitez pas à aller sur www.nova-cinema.org. Ok. Voilà. Parfait. Tout le programme est en ligne. Parfait. Okay. C'est aussi sur notre blog, certainement. Oui, je pense, oui. Oui, Gwendoline a fait ça. Ok, on a encore un morceau de musique ou on passe à l'agenda? On peut lancer le morceau sur le paix, parce que sympa. Le paix fait circuler l'énergie vitale. Voilà, et donc c'est une captation lors de la seconde veillée, donc improvisée du groupe Kaka, donc qui est collectif anonyme des carnavals ambulants. Et donc, je pense que la qualité est OK. Mais en tout cas, vous allez comprendre qu'il y a aussi beaucoup d'humour dans les carnavals. Voilà. Des confrères bien intentionnés ont déguisé le sujet pour ce qui concerne le sexe. Humblement, nous allons parler d'un sujet combien plus suspect. Celui du paix. Au risque d'être mis à pied, de cette illustre sauté, si on veut révolutionnaire, on risque d'être excommunié, vilipendé, vive écorché. J'en parlerai, faut en parler. Bien sûr, il y a paix et paix. Vous l'avez sans doute deviné. Comme il y a folklore et folklore. Évidemment. Frappé, reçu, fait un après. Au trou du cul, c'est ma foi vraie. Ah bon, c'est vrai? Bah oui, c'est vrai. Frappé, c'est vrai. Gazimi parle le sphincter. Du prolétaire comme du nom-père. Un parfum démocratique. Qui donc pourrait mieux se vanter de ne pas en avoir laissé un jour échappé, oh échappé. Que celui qui n'a jamais de sa vie émis un pas me jette la première pierre. Oh, oh, oh, oh, oh. Aristocrate, nous mécanos, nous nageons tous dans la même eau. Le préfet de nous faire. Oh oui, mais ça, nonne, pour transfigurer vos pères, vos dentistes de bébé, yeah. Soyez bénis, oui, oui, très comme estime et religieux, catholique, mystère joyeux, je vous savoure. Laissez parler votre intestin, oui, afin que les lendemains, oui, enfin chante et rechante. La la la la la, révolution par le corps exige que de l'anus sorte. La vivante courante. C'est des vives ont en passion. J'ouvrais la porte. Pas un principe fraternel. L'on retient tant que l'on peut. On tient. Non. Puis on relâche. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Moteur à réaction, sur à la vitesse du son, par maîtrise. Bon dans cette émanation, il gagnera à petit bon. La terre promise. Alléluia. Ce gaz n'est pas létal, je vous ai dit. Ne vous inquiétez pas. On a tous un trou de balle. Voilà. Donc c'est le P de festival. Je sais pas, c'est la chanson du P. Après, je ne connais pas le compositeur ou la compositrice. Ben merci à tous les deux, en tout cas, d'être venus. C'était sympa. Voilà, comme ça. On était content de venir. Ben, c'est bien. Surtout, okay. Ça fait du... c'est chouette. Vous nous avez offert des bières et tout. Ça fait très carnaval. Hein. Parce que la bière est super importante, en tout cas pour le carnaval sauvage. C'est notre boisson favorite. Après, dans d'autres carnavals, ils prennent des alcools beaucoup plus forts. Et enfin, voilà. Ça donne, j'imagine, une autre atmosphère. Mais, du coup, on peut en boire plus. Exactement. Ok, donc on va faire un agenda un peu vite fait, puisqu'il est déjà quand même 22h17. Demain, à partir de 14h à l'Université des Femmes, dans le cadre des séminaires internationaux d'études féministes, il y aura... il y a plusieurs, c'est des séminaires qui se font sur plusieurs modules, et dans ce module de demain, ça aura un rapport avec l'afroféminisme, et notamment c'est les points de vue des coloniaux, donc avec des membres du collectif, c'est imprononçable, je suis désolée, mais c'est moi, Namke, collectif afroféministe belge, et puis une philosophe féministe radicale qui s'appelle Nassira Edgerassi, qui est professeure des universités en sciences de l'éducation Sorbonne Université. Et donc, il va y avoir toute une problématique sur l'afroféminisme demain à l'Université des Femmes. Après ça, il y a tout un festival qui a lieu au Botanique, qui s'appelle Tel Quel, qui est un festival qui parle des thématiques de l'orientation sexuelle et de l'identité du genre, et par la culture, comme les films, les arts de la scène, les concerts, la littérature, radio, exposition. Voilà, c'est pour éventuellement lutter contre l'homophobie, la biphobie, la transphobie et l'intolérance. Donc il y a toute une série de films, de documentaires qui vont avoir lieu, et notamment une pièce de théâtre que tu vas voir toi demain. Oui, ça s'appelle Homme-Femme. Homme-Femme. Au Botanique demain. Oui. Je ne sais pas s'il y a encore des places. Ça m'a intéressé quand j'ai vu, parce que j'ai vu que ça a été produit à la base dans Il Piccolo Teatro à Milan, qui a quand même une certaine tradition de choses intéressantes. Une fois, on a été voir une pièce style Commedia dell'arte, c'était au Beaux-Arts. Arlequin, serviteur de 2 mètres. Et voilà. Et puis, ils ont toute une tradition de gauche et de progressiste à Milan dans le théâtre. Du coup, je vais voir. Je ne sais pas s'il y a encore des places. Peut-être qu'on peut trouver sur Arsène 50, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, l'ouverture du festival, c'est à 18h30 demain au Botanique. Et la pièce de théâtre commence à 20h. Et alors, après, vous avez toute une série de films, Happy Ending. Je ne vais pas tous les citer, enfin, tous vous les raconter. Vous pouvez regarder sur le site du festival Tel Quel. Alors, samedi 25 janvier à 13h, il y a une mobilisation place de l'Albertine contre la 5G. Donc, c'est dans le cadre de l'appel international qui demande l'arrêt du déploiement de la 5G sur Terre et dans l'espace. Et des groupes de citoyens, des associations, des scientifiques, des médecins, des chercheurs se rassemblent et se mobilisent partout dans le monde pour dire stop à la 5G. Le collectif belge Stop 5G organise un rassemblement donc revendicatif et informatif à la place de l'Albertine, à côté de la gare centrale, de 13h à 16h. Accord de la police reçu ce jeudi 16 janvier. Donc, je pense que la police est prévenue. Peut-être qu'il y aura donc pas là, de... Là, il faut expliquer quand même la 5G. Donc, c'est le nouveau système d'ondes pour les smartphones, etc. Oui, voilà. C'est ça. Bon, moi, je ne suis pas de smartphone, alors moi, je n'y comprends pas grand-chose, mais sais mais que c'est pour, ça. bon, apparemment, c'est quand même ouais. Assez grave, ouais. Cette nouvelle norme qui risque... Enfin, voilà. Voilà. Alors, le samedi 26 janvier à 20h, non, à 9h30, pardon, à la Maison Bosch, 116 rue des Tanneurs à Bruxelles, il y a un stage d'autodéfense féministe en mixité choisie de femmes, cis et trans. Donc, ça se passe... donc, voilà. C'est un stage d'autodéfense féministe. Bon, j'en dis pas plus. Ça veut dire ce que ça veut dire. Alors, ensuite, il y a... ça, c'est encore les choses du festival. Le mardi 28 janvier, à 10h, il y a une manifestation pour une sécurité sociale renforcée, qui est organisé par la FGTB et qui part de la gare du Nord. Et qu'est-ce qu'il y a ? Il a dit quelque chose, Serge ? Non ? Voilà. Et donc, c'est pour est justement financé. Donc, il faut la protéger et c'est important. Voilà. Et ensuite, la dernière chose, c'est il y a un enregistrement public de l'émission Les Singes en hiver de Radio Panique. qui aura lieu à la Maison du Livre, 28 rue de Rome, à 1060 Saint-Gilles, enfin Bruxelles. Alors, parfois, je vais vous lire ce qu'il y a écrit. Parfois, lors de longues années d'hiver, les causeries de certains singes perturbent les ondes de Radio Panique. Avec leurs invités et tous ceux qui veulent se joindre à eux, ils discutent avec un certain sérieux de choses qui les regardent, le tout accompagné d'un son, d'un poème déclamé, le thème d'un jour, le thème de ce jour-là, ça sera évaluation radicalisée. Alors, c'est quoi ? Dans les prisons françaises, il existe des quartiers spécifiques destinés à évaluer les détenus radicalisés, les QER. S'y retrouvent tous détenus inculpés pour des faits de terrorisme, mais aussi tous les détenus dont l'administration estime qu'ils sont radicalisés, qui sont les personnes qui se retrouvent dans les QER, qui réalisent leur évaluation, sur base de quelle méthode, avec quelles conséquences pour les personnes évaluées. Voilà. Donc, c'est l'entrée est libre et ça sera diffusé le jeudi 16 février sur Radio Panique et disponible éventuellement aussi en podcast. Alors, il y aura comme intervenants Guillermo Koslowski, Vincent Matin, Shelia Leroy et David Cher. Voilà. Et donc, c'est à la Maison du Livre, 28 rue de Rome, à Saint-Gilles. Et alors, pour terminer, il y a une exposition qui a lieu rue du Danemark, 70B à Saint-Gilles. Une exposition qui aura lieu du 10 janvier au 8 mars 2020 sur le Rojava, le printemps des femmes. Et donc, cette exposition donc, se tient dans ce lieu, qui est un lieu... c'est quoi, c'est un squat? Non, c'est pas un squat. Quel lieu? Déca. Ah, Déca, c'est un lieu qui est tenu par les acteurs du temps présent. Ah oui, c'est les acteurs du Danemark à Saint-Gilles. Voilà, c'est ça. Et alors, donc, l'exposition est accessible lors des permanences du Déca. Donc, c'est le lundi de 18 à 20 h et le mercredi de 17 à 19 h et aussi lors de soirées d'activités qui se tiennent dans les locaux du Déca. Alors, d'autres permanences seront organisées durant cette période. Les conférences et les dates de permanence seront annoncées sur le site web et sur la page Facebook. Voilà. Donc, si vous voulez aller voir cette exposition sur les femmes du Rojava. C'est tout pour ce soir. Pour moi, ça va. Nous avons une émission bien fournie. En tout cas, merci à vous deux d'être venus. C'était très sympa. Et puis, on refera ça peut-être une autre fois, hein, pour un autre carnaval ou un autre événement. OK. Ouais. Merci, au revoir. Merci. Au revoir, à la semaine prochaine. Vous êtes à l'écoute de... L'étrange honneur. L'étrange honneur.